te dis que t'es pas normal, pour toi c'est épuisant. Tu passes trop de temps à l'hôpital et ça devient lassant. Mais continue tous tes traitements et ne te compare pas aux gens. Et même si c'est très fatigant, dis-toi que ça durera pas tout le temps. Tu verras que si tu y crois, tu vas t'en tirer. Pense à ceux qui sont autour de toi et qui peuvent t'assister. Si tu sens que tu baisses les bras, n'hésite pas à prier. Tu verras quand tu guériras, plus rien ne pourra t'affecter. Personne n'aura besoin de toi pour les appuyer. Ton témoignage il les aidera à jamais s'effondrer. Pour le moment, faut prendre soin de toi, faut te récupérer. Que le jour où tu t'en sortiras soit le seul qu'occupe tes pensées. Fais donc des choses qui comptent pour toi et développe tes idées. Que chaque minute elle compte pour toi et laisse plus une seconde passer. Recherche ce qu'il y a au fond de toi et n'aie pas honte de l'exprimer. Peut-être que t'es fait pour écrire ou peut-être que t'es fait pour chanter. Des choses que tu peux pas changer, alors remets-les au très haut. Car ton corps est enfermé, même pas ton cerveau. Fais en sorte que tes pensées volent comme les oiseaux. Alors regarde-les s'envoler au-delà des murs des hôpitaux. Si j'envoie ces quelques mots malades dans les hôpitaux, gardez l'espoir au fond de votre cœur, promets pas de la guérison. Si j'envoie ces quelques mots à tous ceux qui sont en prison, gardez le courage au fond de votre cœur, pensez à votre libération. Si j'envoie ces quelques mots malades dans les hôpitaux, gardez l'espoir au fond de votre cœur, promets pas de la guérison. Si j'envoie ces quelques mots à tous ceux qui sont en prison, gardez le courage au fond de votre cœur, pensez à votre libération. Ça fait des mois que t'es enfermé, tu passes ton temps à regretter. Et tu passes toutes tes journées à penser à ce qui s'est passé. Mais réellement à quoi ça te sert d'avoir ces genres de pensées? Tu peux plus revenir en arrière, promets-toi de plus jamais retomber. Faut plus écouter ces idées qui te font paniquer. Maintenant faut tirer profit de ce temps où t'es incarcéré. Regarde pas défiler ta vie, ne laisse plus une seconde passer. Toutes les minutes que tu vis va falloir les utiliser. Rouvre des livres et lis, comme ça tu seras plus cultivé. Passe des examens, réétudie, comme ça tu seras plus diplômé. Prends un stylo et puis écris, libère ta créativité. Réveille ce qui est en toi en fuite, développe toutes tes capacités. Des choses que tu peux pas changer, alors remets-les au très haut. Car ton corps est enfermé, même pas ton cerveau. Fais en sorte que tes pensées volent comme les oiseaux. Alors regarde-les s'envoler au-delà des barreaux. Si j'envoie ces quelques mots malades dans les hôpitaux, gardez l'espoir au fond de votre cœur, promets pas de la guérison. Si j'envoie ces quelques mots à tous ceux qui sont en prison, gardez le courage au fond de votre cœur, pensez à votre libération. Si j'envoie ces quelques mots malades dans les hôpitaux, gardez l'espoir au fond de votre cœur, promets pas de la guérison. Si j'envoie ces quelques mots à tous ceux qui sont en prison, gardez le courage au fond de votre cœur, pensez à votre libération. Une pensée d'ici aux malades dans les hôpitaux, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui vous pensiez à votre guérison. Une pensée aussi à tous ceux qui sont en prison, gardez courage aussi, pensez à votre libération. Tu peux pas changer, alors remets-les au très haut. Car ton corps est enfermé, même pas ton cerveau. Fais en sorte que tes pensées volent comme les oiseaux. Alors regarde-les s'envoler au-delà des murs des hôpitaux. Des choses que tu peux pas changer, alors remets-les au très haut. Car ton corps est enfermé, même pas ton cerveau. Fais en sorte que tes pensées volent comme les oiseaux. Alors regarde-les s'envoler au-delà des barreaux.